Mama visait pas un film et si je la foire ça coupe pas. Fils de chien t'es en dessous de moi, normal tu me mettes des coups bas. J'ai commencé tout bas, aujourd'hui je suis tout bas. Je sais que j'ai beaucoup d'ennemis qui veulent me pff comme tout bas. Clique pas au mec bah. Ah là là, si je m'en sors pas aujourd'hui, inchallah je m'en sortirai de bas. Partir loin, loin de tout ça, loin de ces mauvais souvenirs. Moi j'emmènerai ma maman. Lis dans nos yeux, y'a notre histoire. Une vie de chien, donc un vécu de bâtard. J'baisse pas la tête, j'suis Kadhafi, j'suis Saddam. Les traîtres qui crachent dans la soupe, moi ils mangent pas un mandable. Elle veut porter mon nom, ouais mon oeil. Elle veut porter du croco, elle m'a pris pour Tory Lanez. Donc j'vais rester solo. Ma belle, j'vis ma vie comme une rockstar. Retiens bien ma name, yeah. Yeah. Du poids sur les épaules comme Piccolo, ça ton petit cœur. Laisse m'embarrer sur l'île céleste, être humain des cœurs. Ils nous aiment pas, c'est rigolo, ils nous souhaiteraient même la mort. Tu vois bien qu'on s'en bat les couilles, y'a que Dieu qu'on a peur. Toi tu préfères peur à qui? Tu moi jamais la qui? Comme les cafes assises du spa, on va vite tous les dans ton lit. Oh my god, oh my god, oh my. Je suis en mal, ils ont mal, c'est normal. J'suis un blédard, un petit que j'fais plus qu'un vie. J'viens des montagnes, bébé, j'suis un vrai désaïli. Et on est tout pas, tout pas, tout pas. J'arrive dans ta ville, accueilli comme une rockstar. Pas besoin de leur se fort, se fort, se fort. Juste moi et les miens, on fait notre pif et on arrive. Yeah. Yeah.